d'un homme, il faut se faire une raison. Qu'il soit riche ou non, pas très beau ou mignon, on a toutes besoin d'un garçon. On a toutes besoin d'un homme, il faut se faire à cette idée. Qu'il sache laver, cuisiner, repasser et bercer nos tout petits bébés. D'un homme, il faut se faire une raison. Fidèle ou coureur, très sincère ou menteur, on a tout un garçon dans le cœur. On a tout besoin d'un homme, il faut se faire à cette idée. Se laissant gronder, tourmenter et griffer, c'est si bon quand on est énervé. Il voudrait bien se passer de nous. On a toutes besoin d'un homme, il faut se faire une raison. Pour notre maison et pour notre passion, on a toutes besoin d'un garçon. On a toutes besoin d'un homme, faudra bien nous supporter. Laver, repasser, cuisiner, travailler, nous les filles, on saura vous aimer. Laver, repasser, cuisiner, travailler, nous les filles, on saura vous aimer.